promenade à 16 ans. La terre souriait au ciel bleu. L'herbe verte de gouttes de rosée était encore couverte. Tout chantait par le monde ainsi que dans mon cœur. Caché dans un buisson, quelque merle moqueur sifflait. Me raillait-il ? Moi, je n'y songeais guère. Nos parents querellaient, car ils étaient en guerre, du matin jusqu'au soir, je ne sais plus pourquoi. Elle cueillait des fleurs et marchait près de moi. Je gravis une pente et m'assis sur la mousse à ses pieds. Devant nous, une colline rousse fuyait sous le soleil jusque à l'horizon. Elle dit « Voyez donc ce mont et ce gazon jauni, cette ravine aux voyageurs rebelles. » Pour moi, je ne vis rien, sinon qu'elle était belle. Alors elle chanta. Combien j'aimais sa voix. Il fallut revenir et traverser le bois. Un jeune orme tombé barrait toute la route. J'accourus, je le tins en l'air comme une voûte. Et le front couronné du dôme verdoyant, la belle enfant passa sous l'arbre en souriant. Émue de nous sentir côte à côte, et timide, nous regardions nos pieds et les herbes humides. Les champs autour de nous étaient silencieux. Parfois, sans me parler, elle levait les yeux. Alors, il me semblait, je me trompe peut-être, que dans nos jeunes cœurs, nos regards faisaient naître beaucoup d'autres pensées. Et qu'il causait tout bas, bien mieux que nous, disant ce que nous n'osions pas.